faire des affaires. T'aimes pas les matières premières, t'aimes pas les cages misères, t'aimes pas le travail précaire. C'est pas construire un mur, c'est pas faire ça, c'est sûr. C'est pas faire comme si, c'est pas marcher au pas. Qui s'en souviendra demain?